Alors peut-être avant de passer la parole aussi à nos autres invités, donc Jean-Paul Fargé et Nicolas Hatzfeld, et Yves Cohen aussi, puisque vous nous faites le plaisir d'être là aussi, et donc vous étiez présent à l'époque, vous êtes historien, mais vous étiez à l'époque présent aussi, en l'occurrence établi, si je ne m'abuse, justement aux usines Peugeot à Sochaux. Donc avant de vous donner la parole à tous trois, moi j'avais quand même aussi une dernière question à poser à Stéphane, mais je pense que ça fait lien. C'est autour de la question des relations, en particulier avec les organisations locales et surtout politiques et syndicales, qui semblent avoir très mal réagi à votre présence, en tout cas dans un premier temps, puisque après le vent a tourné, donc, il semblait au contraire vouloir plutôt... enfin, Armand Gatti disait dans les cahiers qu'au début, ils avaient très mal réagi. Les organismes de gauche, j'entends, et quand le film a pris corps, vers la fin surtout, toutes les organisations qui nous avaient tapé dessus se sont rapatriées vers nous, syndicats, partis, tous demandaient à être dans le film. Alors, je te laisse recommenter. Je ne pense pas du tout comme lui. Comme on a été sur un temps très court, le temps qu'on est resté, ça a été une blitzkrieg. Ils se sont dit, voilà, c'est les sales gauchistes. C'est pour ça que j'aime bien opposer, parce que mes enfants ont découvert, par exemple, Montbéliard à travers les films du groupe Medvedkin. Et c'est vrai qu'on était... il y avait le mur syndical entre nous. C'est-à-dire, eux pouvaient aller partout, machiner, filmer, etc. Nous, on était ailleurs. Donc, et quand on est parti, il n'y avait rien qu'à bouger. C'était pareil. Alors... Après, ça s'est amélioré. Moi, je ne sais pas si ça s'est amélioré. On a fait une projection qui a été formidable. Et il y a pas mal de gens sur place qui ont été d'excellents relais. Mais c'est toujours de la mouvance un peu, enfin, les héritiers du vieux gauchisme ils ont organisé il n'y a pas longtemps une projection. Il y a 3-4 ans, ils ont fait venir les Espagnols de Barcelone. Il y avait Christian Chiracadze qui était là. Ils ont fait un banquet gigantesque. Ça a été projeté sur un grand écran de 11 mètres. Ils étaient tous là. C'était extraordinaire. Mais il n'y avait personne autour d'eux. Hein. Il n'y avait pas de syndicat, pas de machin, pas de truc. Non, c'est je ne comprends pas trop bien pourquoi il a dit ça. Puis en plus, ça nuit à la lecture de la réalité de ce qui s'est passé, quoi. En tout cas, il dit effectivement que vous aviez été accusé de diviser la classe ouvrière. Oui, mais ça, c'était le minimum syndical. Voilà, c'est ça. Alors, peut-être donc, parlons maintenant, effectivement, avec nos autres invités aussi, de cette question du statut, finalement, très singulier de ce film. Tu dis, justement, Stéphane, dans un entretien justement donné à Nicolas Hatzfeld, que ce sont finalement des fictions documentaires et qui documente, mais qui en même temps représente le point de vue de l'auteur Gatti et celui des scénarios immigrés. Donc finalement, tu signales bien, je trouve, et ça répond un petit peu à ce que disait Michel Lefebvre tout à l'heure, donc du collectif Vidéo 00 pour les personnes qui ne l'ont pas déjà entendu ou identifié. Tu identifies donc toi, en l'occurrence, une tension entre trois registres, dis-tu, qui fonctionnent en permanence. Donc il me semble que ça, c'est un des enjeux majeurs de la question qu'on a aussi envie de poser aujourd'hui, cette question de vidéo militante, vidéo d'auteur. Voilà, c'est un statut un peu singulier. Je ne sais pas qui parmi vous, Stéphane, Jean-Paul, Nicolas, réagissez. On vous donne la parole. Vas-y, tu veux que je commence? Oui, dis trois mots. C'est toujours compliqué avec Gatti, cette histoire de militant et pas militant. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui n'est pas militant, c'est Gatti. Jamais il n'a milité de sa vie. Et je crois qu'il ne supporte pas les militants. Il supporte tout à fait leur cause, qu'il défend, etc. Mais ce qui se peut se passer à l'intérieur d'une organisation, etc., je crois que c'est depuis l'après-guerre. Donc, les sujets sur lesquels il travaille, l'amalgame toujours à l'espace militant. Mais en fait, il n'en est rien. Donc, en même temps, comme il aborde toujours ces questions-là par la question, l'exigence de qualité, de tournage, de mise en place du dispositif, etc., nous, ça nous portait plutôt... c'est vrai qu'à un moment donné, il y a... Et à un moment donné, le scénario de Radovan était parti pour être un film plutôt mai 68. On en a ras-le-bol, il a tapé, défoncé les portières, etc. Ça a été... Yati a dit, ah là, si c'est ça votre truc, c'est sans moi. Donc ça a été... Le fait est qu'il aborde des questions qui sont des questions militantes, enfin que les militants s'approprient largement et avec lesquels ils se retrouvent pour en discuter. Mais sa pratique, quelle que ce soit avec un rond, sans un rond, enfin ça importe peu, elle est dans l'exigence de son travail. Quoi. C'est ça qui est. Ça, c'est un peu difficile. Ou alors, c'est un militant métaphysique, je ne sais pas. Mais c'est, en tout cas, concrètement, ce que j'en vois, c'est que c'est quelqu'un qui travaille, enfin, qui travaille beaucoup pour parler de ce qui lui tient à cœur et qui sont des sujets qui peuvent être militants.